Prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Poste d'écoute. Je m'appelle Mathieu Plante et vous synthonisez l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. On prend les CD reçus à la station depuis les 7 derniers jours et on les écoute comme ça pour la première fois sans savoir ce qui s'en vient. Dans la première heure, on va entendre Swan Lake avec Enemy Mine. Il va aussi y avoir Meniscus Curve, Trouble Andrew Manifest. Mais on commence avec Archie Géant. Il y a une seule pièce, c'est un simple. Voici Autobanoman anonyme dans le poste d'écoute sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM. Archie Géant et Autobanoman anonyme dans le poste d'écoute, la sortie de leur album Dans le piège. C'est en avril 2009, donc ça s'en vient très très bientôt. Groupe de Montréal sur le myspace.com/archigéant ou encore archigéant.com. Les membres sont Fred 57 à la voix et la guitare, Thérémine Louis Auger aux guitares, François Granger basse voix, Jeff Séguin batterie, percussion et voix. Il n'y a vraiment, vraiment pas beaucoup d'informations sur leur MySpace, donc allons voir sur leur site voir s'il y en a plus. Mais avant ça, je vous dis que vous êtes dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Dans quelques secondes, on va entendre Casse-Croûte avec quelques-uns de leurs samples. Ça, c'est du rap. hiphopfranco.com, hhfranco.com. Après 6 mois, là on revient à Archigéant, juste pour votre information. Après 6 mois d'enregistrement et de mixage, 90 litres de gourou et café et bière, 15 kilos de chinookimchoup, l'énorme patience de notre ami Jean-Sébastien et des niaiseries et éclats de rire à la tonne, notre album est terminé. Il est présentement en production et il sera disponible en mai. Ah, ils ont changé, en mai. C'est vrai, en mai. Allez voir archigéant.com pour entendre plusieurs extraits de leur futur album. Comme je disais, on passe à casse-croûte Samples et le nom de ce qu'on a reçu. On va entendre l'intro Hot Dogs, entre parenthèses, et Sleepwalkers, Hot Dogs avec Paranoise. Ça, c'est des artistes qui ont participé à ces pièces-là et ça se passe maintenant dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1. Avengers et des Celtics m'ont rempli le fridge qui est désertique. As-tu vu que ça fait de se prendre pour des artistes? Quand on a un rêve, faut qu'on le caresse pour pas qu'il rapetisse. Consomme-toi sa musique au lieu de penser que t'es seul qui rappe vite. Dans ma petite ville, j'ai vu du monde se péter des batteries. Loin de la blacklist, mais pourtant ça tape dur. Pourtant profite, parce qu'on est plus sage que d'habitude. J'aurais dû une petite pute, puis j'te ferai pas l'attitude. J'me concentre sur mon trou pour que les patates brûlent. J'ai du temps, trop le reste, il m'impressionne pas partout. J'trouve plus belle la musique quand le vent souffle. On est des chiens chauds, c'est pas la salle, ça pourrait être en dessous. Fait j'prends des coups pour ton taxi, j'te fais le grand dessus. Ça c'est deux plus sales. On est fast, chiens chauds, fast food. Et sous back, back in maison, c'est le retour de sa vie d'agent. Ça c'est deux plus sales. On est fast, chiens chauds, fast food. Et sous back, back in maison, c'est le retour de sa vie d'agent. Personne, je me présente, moi c'est Zadamos. Appelle-moi Sad, j'ai 5 piastres, mais j'suis à la mode. Ils vont parler de nous dans le journal. J'ai du casse-croûte qui font pas d'embourgeois. Fuck le rap game, tu m'aimes pas call les cops. Ça c'est pour ceux qui fument des spits qui arrêtent de boire de l'alcool. T'as pas le choix, faut que tu bounces sur ça. Tu nous connais, fait que t'es con, tu donnes ta langue au chat. On fait ce qu'on aime, mais ça serait le fun que l'argent roule. Back in Bezos, c'est le retour de Sad, puis l'argent tout. Oh non, c'est old school, Mike, check, one, two, affronte-nous. Taxer les pendentifs qu'on loue. Écoute ça, t'es plus la même personne que t'étais. Prends une Maxelle, puis ping ça dans ton tape deck. Maintenant tu te vois comme ça Damos. Ma mère dit qu'un accident, mais c'est une catastrophe. Ça c'est deux plus sales. On est fast, j'ai chaud, fast food. Et sous back, back in Bezos, c'est le retour de sa vie d'agent. Ça c'est deux plus sales. On est fast, j'ai chaud, fast food. Et sous back, back in Bezos, c'est le retour de sa vie d'agent. Le poste d'écoute. J'habite sûrement dans ta ville, mais c'est quoi que je fais la nuit? Il fait noir quand je me lève, c'est pas toujours facile à vivre. Des fois les bad luck arrivent, pis c'est pas juste pour le principe. J'te dis pas que ça va mal à cause qu'on fume plein de spliff. Moi la lune elle m'inspire, pis mes textes ils méritent d'être spit. J'vois pas d'autre façon, j'suis un artiste qui vit d'infime. La tête ailleurs, j'te fais du rap pour 25 cents. Chaque chose que j'dis c'est vrai, j'te promets de rester sincère. À quoi j'pense quand je regarde les étoiles? J'pense à rien, je le sais pas, j'me dis c'est pas nécessaire. Fais juste bouger la tête comme tu faisais dans tes rêves. J'te pas être maladroit qui s'étouffe avec ses rhymes. Pis je le sais, la vie c'est quoi, j'en ai entendu des sirènes. Des histoires qui font mal quand ils passent aux nouvelles. Les classiques, ils vont rester les mêmes. L'une glacée, je crache du feu pour me réchauffer les mains. Of your soul, oh. c'est le casse-croûte. Sad, 2M, what's up? Yeah, P-Noise. Cuando cae la noche, mis heridas se escocen. Una caja de 12, mis amigos me proponen. La luna se motiva, las estrellas me vigilan. Las calles son tranquilas, me tomo un buen tequila. Que Dios me la bendiga, mi música es dinamita. Ajusto notas finas, con gusto se las daría. Soy otro de uno de ellos, creciendo en el desvelo. Nocturno en el perímetro y sombras en el cielo. Me quedo pensativo, arropado por un viento. Las hojas de los árboles en pleno movimiento. Pensando en la mujer en la cual duermen mis sentimientos fuertes. Mi sufrimiento, qué suerte la que tengo. Me siento bien, pero con un malestar. Tanta gente de mi vida se tuvieron que marchar. Por eso ya no quiero perder más gente. Sobre todo a mis perros, a los que siguen presentes. Night, night, smooth dreamers, getting high. True believers, when you sleep, we living in the shadows of your soul. Oh, night, night, smooth dreamers, getting high. J'suis un believer, dans vie j'ai plein de vues comme Jean Béliveau. J'suis tout pendant la nuit, j'suis pas avec les gens qui vivent le jour. Cerné jusqu'au pied, mais j'sens pas la fatigue. J'm'endors vers 6h du mat avec le nightlife à l'affiche. J'suis un drive-by dans la nuit. J'veux vivre des high times constamment avant de dire bye-bye à la vie. J'rêve à plein de choses, même sans m'endormir. J'ai plein de sentiments, on dirait que j'sens le train d'en sortir. Pendant que tu dors, moi j'vis dans ton soul. J'essaie de convaincre tes potes, mais c'est pas facile quand sont sourds. J'chill avec mes homies jusqu'aux petites heures du matin. C'est per 40 si j'fume trop de shit, puis j'meurs juste après. C'est mon lifestyle, le mode de vie d'hibou. Les beats qui boum, c'est moi le gars à côté de chez vous. J'suis toujours debout, getting high, j'viens de m'asseoir. J'ai plein de chrome, une cold 45 à boire. Getting high, true believers. When you sleep, we living in the shadows of your soul. Oh, night, night, fool dreamers. Getting high, true believers. When you sleep, we living in the shadows of your soul. There's a war going on outside the war zone. Ready for war. Get ready, prepare for war. There's a war going on outside the war zone. Ready for war. Sleepwalkers, Hot Dogs avec Paranoise. Ça vient de Casse-Croûte, son album Samples. Avant ça, c'était l'intro avec Hot Dogs dans le poste d'écoute. Vous comprenez, si vous écoutez le poste d'écoute moyennement fréquemment, que j'aime pas vraiment même du tout le rap. Mais bref, ça veut pas dire que j'en passe pas des fois. Ils viennent de Sainte-Agathe, Val-David, de Boucherville, Longueuil, Montréal, Québec, Canada. Ça, c'est Casse-Croûte, puis toute la bande là, au complet. J'imagine ce qu'ils disent. En tout cas, ça dit « et puis toute hein? ». Allez voir myspace.com/ DJ Chronique avec des casse-croûtes. Donc DJ Chronique casse-croûte, mais Chronique avec des K puis casse-croûtes avec des C. C'est très très évident. Passez par le site de l'émission au www.unechance.com si quelque chose vous échappe dans l'émission d'aujourd'hui. Il y a tous les liens de la semaine ainsi que la balado-diffusion là-dessus. On a terminé pour le francophone cette semaine. Ça valait pas super haut. Archigéant, c'était bon, mais casse-croûte, bref, pour moi, j'aimerais mieux peut-être entendre Swan Lake. C'est ce qu'on va l'écouter. Je sais pas si c'est bon parce qu'on l'a pas entendu d'avance. C'est Swan Lake avec Enemy Mine, featuring de Daniel Behar de Destroyer, Spencer Krug de Sunset Dropdown et Wolf Parade et Kerry Mercer de Frog Eyes dans cet album-là. On va entendre Paper Lace dans quelques minutes, mais on commence avec Spanish Gold 2044 dans le poste d'écoute sur C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. C'est fou dans vos oreilles. Sun. Sad, fell in near his home. of the sun. Yes, we are nothing but what hours leave behind. Let's collect your poetries and incantations in a holy full of rhyme. I haven't read them, I will not read them, for they dwell too much on signs. Thus the desert deserts the earth. I left this bow with, but the night stands. Juilliard was a thousand miles ago. Wait. The sun peaks his eye with attitude awry, and you set upon men lost, lost, feeling in the fate of ages rocks, feeling in the fate of ages rocks, rocks, feeling in the fate of ages rocks. Fires, iambic, petrifies and rolling shit that we have left behind. I'm gonna plumb the white pages, rocking the pain of ages, looking at your graceless depictions of life. Oh, when there's nothing left to read, there shall be nothing left to write. Maybe that's when I hit on. Miles ago, when you said it. of suffering. Come be a wild thing. Come run with Jackie. Me and this lady. The stupid house you made fell away like paper lace. Come run with Jackie. Me and this lady. And when you're done crying to everyone, you can go back to your good home. She will be tired, but she'll be glad when you go back to your good home. And paper burns and paper fades, and paper crumples into ugly shapes. Come run with Jackie. Springtime in Paris for that piece of shit. I don't care what's true. I don't care what you do to a stone that you hold in your arms. At the end of the day, in a hot swarm. I was sick of the rodeo. I was sick of the farm. I was stuck inside of dreams. Come Swarm de la formation Swan Lake, c'est leur album Enemy Mine. Avant ça, c'était Paper Lace. On a débuté avec Spanish Gold 2044. Swan Lake, groupe canadien qu'on retrouve au myspace.com, alors bien que Swan Lake The Band, ou encore sur jagjaguar.com. Les membres sont Daniel Behar, Spencer Krug et Kerry Mercer. Et comme je disais précédemment, Behar vient de Destroyer, Krug de Sunset Rubdown et Wolf Parade, et Mercer vient de la formation Frog Eyes. Donc, je sais pas, c'est peut-être un super groupe, quelque chose du genre. Peut-être que ça s'applique pas vraiment. Swan Lake et Enemy Mine, c'est un des albums que j'ai aimé pas mal jusqu'à maintenant. Il va y avoir un petit cœur sur lunechance.com. On continue avec une formation anglophone de punk, Trouble Andrew. L'album est remixed and remastered. Donc, tout de suite, voici Chase Money dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1. FM. Money. what you say. So bang, bang, bang, bang, don't run. Will you see my gun? Do you wanna see my gun? Go bang, bang, bang, bang, don't run. When you see my gun, do you wanna see my gun? Do you wanna see my gun? Go bang, bang, bang, bang, do you wanna see my gun? Go bang, bang, bang, bang. Les trois premières pièces de l'album Remixed and Remastered de Trouble and Drew, on va entendre Uh-Oh, précédé de Bang Bang featuring Santo Gold. On a débuté avec Chase Money dans le poste d'écoute de Trouble and Drew, un groupe qui se dit de Crank Punk Surf de Scrampton, Colombie-Britannique, New York, Scotia, New York, États-Unis. C'est beaucoup de choses en même temps. MySpace.com/TroubleAndrew ou encore TroubleAndrew.com pour plus d'informations. Il y a une grosse biographie sur son MySpace. Allez lire ça et écoutez les pièces de l'album Remixed and Remastered. On passe du côté canadien pour aller entendre Meniscus avec Curve. Non, Meniscus Curve est le nom de la formation. Je viens de voir ça, c'est bien. On commence avec la pièce Lend Me Your Light. Tout de suite, dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou, 89.1 FM. vos oreilles. Hey, 489.1. De Meniscus Curve dans le poste d'écoute. Restez de Always Got Forever, de Lend Me Your Light. Ce sont les trois premières pièces de leur album qui s'appelle aussi Meniscus Curve. Vous êtes assez fous, 89.fm. Parlons de Meniscus Curve, c'est de l'Electronica Experimental Dub selon leur MySpace au myspace.com/Meniscus Curve. C'est un groupe de Toronto en Ontario. TheStraggler.com et leur site officiel. Et Kevin Lynn et Jesse Davis sont dans cette formation Meniscus Curve. On termine la première heure. Le temps passe pas si vite que ça quand même. Ramblin' Jack Elliott est le prochain CD qu'on s'en va entendre. Son album s'appelle A Stranger Here. L'homme Ramblin' Jack Elliott est une légende de Los Angeles en Californie aux États-Unis. Allez voir myspace.com/Ramblin' Jack Elliott pour savoir des dates de spectacle et pour entendre des pièces de son album A Stranger Here. On va se quitter avec la pièce Rising High Water Blues. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi entendront d'autres pièces de cet album, dont Death Don't Have No Mercy. Et on revient avec une deuxième heure qui comprendra, entre autres, la musique de Manifest. Restez avec nous! Southern people can't make no time. Backwater rising, Southern people can't make no time. And I can't get no hearing from that Memphis gal of mine. Water all in Arkansas, people screaming in Tennessee. saw people screaming in Tennessee. If I don't leave Memphis, Blackwater been all over poor me. People, since it's raining, it's been for nights and days. People, since it's raining, it's been for nights and days. A thousand people stands on a hill, looking down where they used to stay. Children, Blackwater left us all alone. Backwater rising, coming in my windows and doors. Backwater rising, coming in my windows and doors. Prayer in my heart, Blackwater won't rise no more. Le poste d'écoute. But your sister gone. Death don't have no mercy in this land. Death is always in a hurry in this land. Death is always in a hurry in this land. Come to your house, but it won't stay long. Look in that bed and you'll find your father gone. Death don't have no mercy in this land. Leave you standing and crying in this land. Leave you standing and crying. Come to your house, but it won't stay long. Look in the bed and you'll find your brother gone. Death don't have no mercy in this land. In this land, leave you standing and crying in this land. Come to your house, but it won't stay long. You know that someday we will all be gone. Death don't have no mercy in this utiliser le poste d'écoute et c'est la deuxième heure de cette émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, il va y avoir la formation canadienne Paper Moon et leur album Only During Thunderstorms. On va aussi entendre un artiste que j'aime beaucoup, Joel Plaskett, avec son album triple qui s'appelle Three. Mais on débute avec Manifest. L'album est Citizens Active. Et tout de suite, voici 4, 3, 2, 1. Ah, c'est fou. 89.1 FM. Put your hands up. Can you put it up? Can you raise it up for the camera? Bounce like you getting crunk. I'm in my zone right now, I'm in the groove right now. I sing along with a song like wow. Yeah, that's a tune that makes me move. Get loose off of music with attitude, and I won't stop. Let my body rock so hot until I hear the countdown like 4, 3, 2, 1. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Like 4, 3, 2, 1. Everyone get the dance floor. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Like everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Like break it down like a 1 o'clock, 2 o'clock. Bass pounds till your ears pop, set it off. Get up off your seat, doc, come alive. Step up off the wall, girl, energize. D-A-N-C-E for me. VIP like you got in for free. Till the last call, till the last song. I'm so on, I can hear it coming in like 4, 3, 2, 1. Everyone get the dance floor. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Like 4, 3, 2, 1. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Hey. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Hey. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Hey. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Hey. Can I get a 4, 3, 2, 1? Check it. Can I get a on the record? Give me that summertime Aramax. Parties in the back like a birthday bash. We got disco balls and crystal halls. These singles rock your faces off. Lost in the moment, freeze it, hold it. Bounce for me now, one time like you own it. 4, 3, 2, 1. Everyone to the dance floor. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Hey. 4, 3, 2, 1. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Hey. Everybody just rock tonight. Everybody just dance if you're feeling high. Hey. Le poste d'écoute. Another seed so deep into the hearts of those. Through a microphone, speaking in a hypertone. Flights around the globe from Japan to Calico. I'm only one man with one chance and one command. God is my witness, I won't give in, I'm all in. No matter how big or small the money's involved, I won't falter or fall, I'm giving you my all. Every time, every mind, every music note. Man, it's beautiful, it's so beautiful. Every city, every town, every decimal. It's irrepressible, professional. Every kick, every stare, every line I write. It's cause you want my light. Every vision, every dream, every sleepless night. It's right there when I hold this mic. You called me again, called me your friend. Even when I didn't call back, you still lent me your hand. When I didn't have a sentence on the floor, we slept. You still kept a close eye, though I didn't understand. Every mile I drove, every city and home, another milestone. Wow, you never left me alone. Though I don't always get it, I can never forget it. How you saved me, made me forever, I'll tell it. Every time, every mind, every music note. Man, it's beautiful, it's so beautiful. Every city, every town, every decimal. It's irrepressible, I'm a professional. Every kick, every snare, every line I write. It's cause you want my light. Every vision, every dream, every sleepless night. It's right there when I hold this mic. Down to help out, you're so proud of me now. You called me to reach out with these sounds and freestyles. Overseas to speak out, I can see it now. You had it planned for a while. When everything else fails, you were where I dwell. Wind under my sails, thunder that brings hell. Wonder of the earth, love and cover my heart. Up and coming, so stunning, you've been healing my world. Every time, every mind, every music note. Man, it's beautiful, it's so beautiful. Every city, every town, every decimal. It's irrepressible, I'm a professional. Every kick, every snare, every line I write. It's cause you want my light. Every vision, every dream, every sleepless night. It's right there when I hold this mic. Every time, every mind, every music note. Every city, every town, every decimal. Every kick, every stand, every line I write. Every vision, every dream, every sleepless night is right there when I hold this mic. Vous êtes au 89.1 sur la bande FM. Been out with the stare like a facelift. To all the haters out there, you gotta change it. It's not okay with me, no. It's not okay, get on board. Who doesn't like a brand new pair of shoes? Just gotta cut showing off the hairdo. I've been here once before. I've been there, now no more. This is more than a fashion statement. This is me living out my patience. Pick out from a choice of favorites. What jeans, what shirt, how my mayhem. Amen to the man that made it. I'ma rock it on the stage when I'm playing. A fresh step with the good looks. Got the hood shook, take a good look. Stepping with the good foot. So watch me turn it up now. I'm taking over the town. I'm sticking out from the crowd. I'm stepping out there. I got the craziest style that you can see it for miles. So paparazzi go wild. I'm stepping out there now. Yo, dude, check out this shirt here. That's dope, man. Get it in the black, yeah. Dang, man, this one is so fit. So hip, but I'll get it in white, I guess. My girl's gonna trip on it, gonna trip on it. When she sees my outfit, I'ma so rock it. The shoes, gotta wear the shoes. No, it's hoodie in the white and blue. It's down, it's on, it's me. It's now, it's fresh, it's free. So shocking, popping, locking. Heads nodding, rocking, I'm stepping out. So watch me turn it up now. I'm taking over the town. I'm sticking out from the crowd. I'm stepping out of there. I got the craziest style. As you can see it for miles. So paparazzi go wild. I'm stepping out, rocking. Manifest et Stepping Out dans le poste d'écoute au 89 FM, c'est fou. Avant ça, c'était So Beautiful et on a débuté avec 4321 de son album Citizens Active. Donc Manifest, un artiste de Toronto en Ontario qui fait du hip-hop rap rock. C'est comme genre le mélange d'Eminem avec de la musique, je sais pas trop quoi. C'est bon, j'aime bien ça. J'étais pas sûr au début, c'est pas mon genre de musique, je devrais pas aimer ça du rap, mais... pas mauvais ça. Manifest.net est le site web, myspace.com/manifestca pour Canada. Chris Greenwood est le seul et unique membre de cette formation. Et il est en une extrêmement longue tournée en ce moment. Il y a des dates à en plus finir. Allez voir sur son MySpace tout de suite si ça vous intéresse. Et il y a aussi des pièces à écouter. Et vous pouvez télécharger l'album sur iTunes et puis être ami avec nous sur Facebook, qui dit. C'est bien. Maintenant, on passe à un artiste que j'adore. J'aime ses pièces. Il y en a eu sur le palmarès de C'est fou. Drunk Teenagers pourrait peut-être vous dire quelque chose. C'est vraiment très, très bon. Joel Plaskett nous a envoyé son album triple. Il s'appelle Three. Et il y en a un qui s'appelle One, l'autre Two et l'autre Three. Mais en tout, ça s'appelle Three. C'est comme une équation. C'est inexplicable. On va entendre les premières pièces de chaque album, de chaque CD, pourquoi pas, pour faire différent. Donc, on va entendre du CD 1, la pièce Every Time You Leave, du deuxième Safe in Your Arms et du troisième Rewind, Rewind, Rewind. Et ça démute tout de suite dans le poste d'écoute au 89.fm, la Radio Campus de Trois-Rivières. Where we find you now? C'est fou. 89.1. When we set out on the road, I said, boys, we're heading west. We will walk under the sun until it sets. We had the best intentions, and the road was straight and true. We promised that we'd follow it. On la pose un petit peu plus de Joel Plaskett et on découvre le nouvel album de Paper Moon, Only During Thunderstorms, dans le poste d'écoute assez fou au 89.1 FM. Le poste d'écoute. So it'd be like... Years and Joel Plaskett et Rewind, Rewind, Rewind, la première pièce du troisième CD qu'il nous offre dans sa collection 3. Avant ça, c'était la première du deuxième album Safe in Your Arms. Et les deux premières pièces du premier CD Every Time You Leave et Through and Through and Through. Et là, évidemment, j'ai remarqué que la pièce Rewind, Rewind, Rewind menait dans une autre pièce. Peut-être la laisser aller. Bref, on va l'entendre puis on revient après, OK? Ça va fêter, vous allez voir. Faites-moi confiance. Precious, Precious, Precious de Joel Plaskett, précédé de Rewind, Rewind, Rewind dans le poste d'écoute de C'est fou. Joel Plaskett qui nous offre sa collection 3 avec 3 CD. Et ça a l'air très, très bon au complet, ça. J'ai hâte d'entendre le reste. 1, 2 et 3, ce sont les noms des 3 CD. Et Joel Plaskett est l'auteur de tout ça. Gars qui vient de Halifax en Nouvelle-Écosse. Et puis là, il y a des spectacles à la tonne. Et puis, il va être à Montréal le 21 mai à 20h à la Sala Rossa. Et voir myspace.com avec Joel Plaskett pour plus d'informations. Les membres sont Joel Plaskett à la guitare, David Marsh à la batterie et Chris Pinnell à la batterie. Joel Plaskett. Si quelque chose vous échappe dans l'émission, si vous oubliez quelque chose, allez voir le www.unechance.com. Et je rappelle que le CD de Joel est en magasin maintenant. On passe à un autre artiste canadien, Paper Moon. L'album est Only During Thunderstorms. Tout de suite, voici Cambridge Canal dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble, dans vos oreilles à C'est fou 89.fr. The wind is changing. The earth is shifting. Everything is about to disappear. I'm feeling dizzy, so very dizzy, and I can't see straight. The Cambridge Canal. C'est fou. Ça a pas d'allure. C'est malade. 89. Pepper Moon avec Where Did All Our Time Go? Puis c'est le What Are You Going to Do With Me de Cambridge Canal. La semaine de l'album Only During Thunderstorms. J'ai adoré ça, moi, Pepper Moon. On a beaucoup de bonnes choses dans le poste d'écoute cette semaine. Hein? Ça fait changement. Pepper Moon, un groupe de Winnipeg et Vancouver. Allez voir myspace.com/PepperMoonMusic ou encore papermoon.ca. Les membres sont Allison, Chevron Noah, Nikki Taylor, John Wilson, Chris Ebert et Ken Phillips. Ils sont en tournée du Manitoba, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique en ce moment même. Voilà pour Pepper Moon et leur album Only During Thunderstorms. Ça mérite un petit cœur, ça aussi. On reste dans le canadien pour aller entendre le nouvel album de Riverside. Il s'appelle Newspeak ou Newspeak. Et sur la couverture, qui est très cartonnée, très jaune, il y a un robot en train de détruire une ville. Donc ça m'accroche visuellement. Un robot, j'aime ça. Tout de suite, voici Back Into It. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble, sans même savoir ce qui nous attend. Un robot pour une plaie dessus, on sait pas, on sait aucune idée, aucune. Au 89 FM. The sun is in my face, the pillow's in it. Don't get me wrong, I loved every minute of it. Even the rainstorms and getting sick, I think I just need to get back to this. Be held responsible. la planète. I've been rocking my head to a beat that's been coming fast. And we're ready, ready for the lights to come up. I've got the words nailed down like a train wreck in one verse. Singing on the soapbox, baby. Riverside et Sing It Out, presque de Smooth Sailing et de Back Into It de leur album New Speak. Riverside fait du punk rock selon leur MySpace ou myspace.com/RiversideRock. Sinon, il y a riversiderock.ca. Andrew Rusty, All Soul, guitare et voix. Kyle Wakeman, basse et voix. Matt Campbell, Trevor Rowe et c'est pas mal ça pour la formation Riverside. C'est correct. C'est pas mon genre de musique tant que ça, mais bon. Leur album s'appelle New Speak. On va terminer la deuxième heure avec l'album de Nat King Cole. On fait un hommage à Nat King Cole qui s'appelle Regenerations. Là-dessus, il y a plein d'artistes, dont Will.i.am des Black Eyed Peas, la fille de Nat King Cole, Natalie Cole. Il y a aussi Salim Remy, Nas, Soul Degas, Bittersweet, que j'aime bien, mais en fait, j'ai choisi trois autres groupes finalement. On va entendre, nous, des groupes qu'on entend un petit peu assez fous des fois. TV on the Radio, Brazilian Girls, oui. Et on va commencer avec The Roots. C'est ce qu'on va entendre, du moins pour les auditeurs du vendredi. On va se dépêcher parce que ça va falloir la jouer tout de suite si on veut l'entendre un peu. Et puis les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi entendront les deux autres. Allez voir le www.unechance.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui. Et on se retrouve tantôt avec plein d'autres choses. Bye! It's great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go along harmonizing a song, I'm reciting a poem. Owls go by and they give me the eye, walking my baby back home. smile and snuggles her head to my chest. We started to pet, and that's when I get her powder all over my vest. After I kinda straighten my tie, she has to borrow my comb. At the hospital, hot little neighborhood. Honey used to love to cook for me, suggesting books to me. I started coming around, shorty kinda took to me and started to look for me. As we became a team, I said for me to have such a queen was a dream. She the cream of the cream, I need her on my arm. She sweeter than the cherries up in Knott's Berry Farm. It was not very long, for she was on my top very strong. And she was very top heavy, love to get a rock steady on. When we was at the dance, and I officially asked if I could stand a chance. They was playing slow jams, one of them old jams that keep couples in love wanting to hold hands. I said, walk with me, love. Let me walk you home, cause I don't think we should walk alone. Plus I think we should talk alone. Come in, come in. I wanna walk with me, love. Let me walk you home, cause I don't think we should walk alone. Plus I think we should talk alone. Come in, come in. I wanna yeah. Parte. artefact, boom, cheeky cheeky boom. C'est la troisième heure du Poste d'écoute, l'émission où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, on va faire des expériences. On va essayer des affaires. Pourquoi pas. Alors, on va entendre du Cat Ray. Il va y avoir du Quincy, du Paul Mansion, JMC Project aussi. Mais on commence avec le nouvel album de Mastercraft. C'est toujours très excellent, ça. Son nouvel album s'appelle Fist of God. Et tout de suite, voici It Ain't Love. Ah, c'est fou! Dans vos oreilles au 89.5. Run it. poste. Poste d'écoute. She won't. Dance de Mastercraft featuring N.O.R.E. et Isis. C'était précédé de 1000 Cigarettes et de It Ain't Love featuring Little Mo. Donc, ça vient du nouvel album Fist of God de Mastercraft. Très, très bon. La pochette est particulièrement intéressante avec un point. On voit un point. Okay? Mais le point est fait avec des cuisses et des fesses humaines. Cherchez sur Amazon.com juste pour voir la pochette en plus grand. Ça vaut la peine. À l'arrière, on voit encore plus de fesses et à l'intérieur, mais encore plus. Fait que c'est bien mal fait. J'aime ça. Mastercraft de l'électropunk rap de Moose Park, Toronto, en Ontario. Mastercraft.com sans les voyelles M-S-T-R-K-R-H-T. Bref. Ou encore myspace.com/Mastercraft écrit pareil. Là, sans les A. Je pense c'est les E. C'est les voyelles. J'avais raison, c'est les voyelles. Je regarde les spectacles qu'ils font en ce moment. Incroyablement longue tournée, eux aussi, mais je vois pas de date au Québec. En tout cas, je ne crois pas. Mm-hmm. Mastercraft, l'album s'appelle Fist of God. On passe du côté jazz. On n'écoute pas ça très souvent, mais je sais que c'est bon, c'est le JMC Project. Alors, l'album s'appelle Making a Statement. Tout de suite, voici 8 Years Later dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.5. The JMC Project. JMC. Why is the planet stuck in such a state that it revolves around a world based on hate? Why is everything so bad and everyone so mad that we destroy the lands on which we stand? What if this is linked to what happened in the garden? Cause Jesus and God is where all of this started. Fictional characters created to enlighten, but they keep us in the dark and cause a lot of fights. Problems worldwide are due to religion, original sin, as well as wishful thinking. Not to mention that it's the easy way out, cause creationists believe straight from the horse's mouth. The Bible is the truth without a shadow of a doubt, and that, my friends, is what is dangerous about. Preventing free thought is what the Bible does. It allows the U.S. to pump oil and spill blood. And they do this by keeping the people dumb. They own the media and praise the one above and bombard the population with propaganda, cuz that's the way you get the masses to show you love, so that they'll support a war out of ignorance and have faith in a government that says God in every sense. And even if it looks good on CNN, it probably isn't, cuz it's a tool that is used to blur your vision. So next time, don't watch, just listen and ask yourself, what was Rumsfeld saying? What was changed, man? Why was your stomach blind? The U.S. government was a tyrant, not since Obama's trying. So the shrub needs to be hung like Saddam's trial. The U.S. government was a tyrant, not since Obama's triumph. Still the shrub needs to be hung like Saddam at his trial. Like Saddam at his. Like Saddam at his trial. Like Saddam at his. Like Saddam at his. Like Saddam at his. Like Saddam Hussein at his trial. And we're out. JFC Project. From Quebec. Le poste d'écoute. I'm a mix of things, caught up in the mix of things, cause I like to mix people up with the things I sing. Considered a sin, simply said I'm a saint, but then again I don't do miracles, so I ain't. I'm a wordsmith's son, in case you didn't notice. Well, the words like verbose and verbiage in a sense, I'm a phraseologist for those who can't speak, denouncing injustices made upon the weak. Oh, for those brainwashed who just can't see, shed light for those blinded with the capital B. Don't be close-minded to these fat little beats when jazz with an MC grabs the mic and speaks like Jack Bauer's on the jazz scene. Out to save the world with one jazz dream. Out to save the world with one jazz dream. Out to save the world with one jazz dream. Out to save the world with one jazz dream. Too many jazz scenes lining up on jazz streams. 3 o'clock to spots telling people to leave. in the mix of all the action. That's what's gonna happen. The organic feel of this music is still standard. Instruments dearly needed to uphold the last bastion. Getting so old, the foundation started cracking. Dilapidated rappers acting as a game to rapping with gold around the wrist and chains around the neck. Make up for what you decided not to put in your head. If these guys were swimming, they'd already be dead. It's a good thing that hip hop evolved from jazz onto really bigger and better computer programs. Better hip hop artists and even better rap scams. Rhythm and poetry, that's for what rap stands. It doesn't rep fans, gangs and big guns. That's a byproduct sold just to gain funds. And so we got lost right after day one, cause not enough rap fiends on the jazz dream run. I'll save the world with one jazz dream. Too many jazz fiends lining up on jazz dreams. 3 o'clock is spots standing feverishly. The GMC Project avec Old Time, précédé de In The Mix et de 8 Years Later. C'est bien leur nouvel album Making a Statement, GMC Project. Parlons un petit peu de ce projet-là. Hein, c'est un groupe de Québec et de Montréal au Québec. C'est du soul, new jazz, hip-hop selon leur MySpace au myspace.com/The GMC Project. Ils vont être en spectacle le 8 avril à 20h au Patrovis. Ça, c'est à Montréal. Et puis, ils vont être à Québec au Cercle le 7 mai. À 21h, allez voir thegmcproject.com et télécharger leurs chansons gratuitement sur leur MySpace. Allez voir juste en dessous des dates de spectacle, c'est marqué « Download our songs for free ». Ça devrait être ça que ça veut dire, hein? J'aime ça. Très bon, ça, GMC Project. J'adore. Maintenant, ça, je risque de moins aimer ça. Je veux pas dire, tu sais, qu'on fait exprès pour passer les mauvaises affaires en ondes. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Mais on m'a dit « Essaye-toi avec ça, puis tu me diras ce que t'en penses ». OK, j'ai dit, tu sais, sans trop savoir. On va écouter Paul Manchin avec son CD Expression. Et tout de suite, à l'instant même, voici la pièce Don't Censor My Love. Don't censor my love. Je l'avais dit, hein, c'est ça. My love, my love. Don't censor my love. My love, my love. Sur les Backstreet Boys ou quelque chose genre. Deuxième pièce, juste pour voir. Ouais, OK. C'est à peu près ça. On va passer à un autre disque juste pour voir. Voici Quincy avec These Nautical Miles et la pièce Fell in Love with the Enemy. Here's a piece of mind I don't use enough to justify. So what's mine is yours, I'll let it go. As if I've ever known. Fill a punching bag with steam, and it will lay you down with every swing. When it's the air you're targeting, you aim at everything. Cause both the finder and the keeper are trying to be the teacher. Alright, it's the procedure that kills me every night. And when I'm nearer, I hope to find a mirror of mine, myself. Doctor times filled with parking lots and awkward lines. I could learn the lie, I steal mine. And through it all, I'm never sure. When the walls became indistinct blurs, talk to myself, question what I heard. Though I lived every word, it illustrates you. Procedure that kills me every night. When I'm in sections, I'll say to my reflection, hey, you don't get enough to forget to remind yourself. This thing is checkered with past the sporty records. Alright, this double decker just might flip at first sight. When this is clearer, I'll shout in every mirror, remind myself. It ain't a chance you got. You fell in love with the enemy. look to see if the light turns green while the windshield leaks on the bag of Chinese. Your house is stuck in between two streets. I guess I'll try to park in the first spot I see. There are no sidewalks here, only stunted trees. Oh, living around concrete. Lock the door, lock up everything. Pretend Quincy et You and This Terrible Place dans le poste d'écoute. Avant, c'était Fell in Love with the Enemy. Ça vient de leur album These Nautical Miles. Certains de mes collègues, je les nommerai pas par nom, m'ont dit que c'était pas très bon du cozy. Mais j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça. Là, ça valait pas la peine de le couper. Peut-être pas en jouer une troisième, mais au moins dire que c'est pas si mauvais que ça. Quincy qui est au myspace.com/Quincy. ou encore Quincy.ca. C'est un groupe de Winnipeg au Manitoba. Leur maxi These Nautical Miles s'en vient bientôt selon leur MySpace. Nous, on l'a ici, mais peut-être que c'est pas disponible à grands endroits. Puis il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur eux non plus. Donc allez voir leur MySpace ou leur site internet pour en savoir plus ou passer par le site de l'émission au www.unechance.com. On se dépêche pour entendre une pièce quand même assez longue de la formation Cat Ray. Ils nous ont envoyé leur album 2. Ils nous ont aussi envoyé un autre album, Remade Live, The Audio Files. Il y en a un qui est un petit peu plus acoustique et l'autre un petit peu plus punk, apparemment. Donc, je vais en faire jouer une pièce. Vous allez deviner c'est quel côté. C'est comme un petit jeu, là. C'est tellement fun. Là, dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois au 89.1 FM. C'est fou! Drifted to night was just in that I felt like was in Saskatoon. I knew that I could make it turn out right as a river runs by the light of the moon. You simply asked me to take you there. I just had to turn it upside down. When the world is too heavy, well, everything is simple here. Just spin the damn thing round, yeah. And come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, everybody, let's go to the party of the rock. Yeah, come on, come on, everybody, let's go. La chanson qui ne se terminera jamais. C'est la formation Catherine avec leur album Two, et ça c'était une pièce qui a un nom, j'en suis certain, mais c'est écrit tout croche sur leur pochette. C'est bizarre, en tout cas. Bref, si c'était pour faire une tune de 7 minutes 45, tu peux faire une bonne tune aussi. C'était donc Catherine, allez voir leur site internet sur le myspace.com/barbecuecatherine2 ou encore catherine.com. Ray Jamaica à la voix, la guitare électrique, la guitare acoustique aussi. Catherine Jane à la voix, la basse, la guitare acoustique. Catherine, et l'album s'appelle Two. Ça, c'est la portion acoustique. Ils nous ont aussi envoyé un album punk et on va écouter un extrait de ça pour se quitter. Il dure seulement 1 minute 26, celui-là. Ça devrait être pas si pire que ça. Et puis, les auditeurs des rediffusions, mes chanceux, je vais écouter moi-même les autres pièces de Catherine puis je vais décider qu'est-ce que je vais mettre pour la rediffusion du samedi et du mercredi parce que je ne veux pas vous emmerder trop longtemps non plus. C'était le poste d'écoute pour cette semaine. Je vais couronner mon poste d'or comme je dois le faire. La loi l'exige. C'est Joe Paskett avec Three. J'ai vraiment bien aimé cet album en trois temps, en trois CD. Je vous retrouve à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Ça, c'est les jeudis à 11h et les lundis à 10h. Et dans les palmarès, c'est fou. Donc, on va lancer de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ça, c'est les vendredis soirs à partir de 17h. C'est Rock Classique qui suit le vendredi avec Alain Lefebvre. Passez une excellente semaine et allez voir lunechance.com pour tous les liens et pour la balado-diffusion. Bye bye. you see that it's all just a matter, just a matter of time? Can't you see it's all just a matter of time? Can't you see? To cross over, oh yeah, me and my Valentine. jazz.